Charme rompu de Léon de Tinsault. Chapitre 1er. Paul de Gérancy avait monté l'escalier très vite, un escalier confortable mais austère de la rive gauche, non pas une de ces cages étincelantes de gaz, de dorure et de glace, dont les gens du Paris neuf ne sauraient plus se passer pour leurs visiteurs et pour eux-mêmes. Tant pis pour vous si votre salon fait regretter l'escalier. Ce qu'il faut soigner, c'est l'impression préliminaire, pensent nos architectes et nos couturiers aussi. Le siècle, Dieu merci, ne mourra pas sans avoir vu ces éternels copistes inventer enfin quelque chose, le luxe des escaliers et le luxe des dessous. Au deuxième étage, Paul s'arrêta et, soulevant son chapeau, s'examina dans le reflet des vitres de la fenêtre à la lueur de la grande lanterne. Notre sexe est plus coquet que l'autre ne le soupçonne. Gérancy, bien qu'encore jeune, était cependant débarrassé de cette première fleur d'excessive recherche qui disparaît à l'usage, comme le vernis trop luisant d'un meuble. Mais sans doute, il avait quelque raison spéciale de prendre à cette heure un tel souci de sa tenue. Sans doute, il entrait chez une femme à laquelle il désirait plaire. Les hommes de valeur, et Gérancy paraissait en être un, continue à croire que la chose demande de la peine et qu'elle vaut la peine qu'on peut y prendre. Les portraits masculins sont ennuyeux s'ils ne sont faits de main de maître. Je me borne donc à dire que mon héros, sans être plus grand, ni plus beau, ni plus sculptural que bien d'autres, n'avait rien, tant s'en faut, qui pût l'empêcher de plaire quand il en éprouvait l'envie. Peut-être une très jeune fiancée eût trouvé à ses 30 ans l'air trop sérieux. Mais une femme sérieuse eût aimé ses yeux bons, intelligent, fidèle. Vous allez voir qu'il ne s'agissait pas d'une fiancée. 9 heures sonnaient au beffroi de la guerre. Paul ouvrit la pelisse, s'assura que la neige du trottoir qu'il venait de traverser n'avait laissé nul souvenir à sa chaussure, et, sans appeler ses yeux au secours de sa main, trouva le bouton d'ivoire dissimulé sous les plis de la draperie sombre. Ce n'était pas, à coup sûr, la première fois ni même la seconde que Gérancy sonnait à cette porte. Elle s'ouvrit presque aussitôt. Sans faire la question d'usage, le visiteur pénétra dans l'antichambre où les mains adroites d'une femme vêtue de noir, au maintien respectueux, le débarrassèrent de sa fourrure. Puis, tandis qu'il murmurait un merci accompagné d'un léger signe de tête, une porte intérieure fut poussée devant lui et il se trouva dans le petit salon de Nadia Fresnel. Une fois entré, tout ce qu'il y avait dans sa physionomie de gravité calme se fondit en un sourire d'une extrême jeunesse. Son visage s'épanouit, ses yeux brillèrent, et ce fut avec l'aisance presque câline d'un adolescent qu'il posa les genoux sur un coussin traînant là, comme par hasard, l'hypocrite. Mais une main très blanche, un peu grasse, souverainement soignée, fit, sans hypocrisie, la moitié du chemin au devant des lèvres qui la cherchaient. Alors, un long baiser à cette main, muet, d'une tendresse passionnée et malgré tout respectueuse. Baiser d'avant ou d'après? Patience, madame. La suite vous l'apprendra. Convenez seulement que la question est flatteuse pour les deux personnages. Quand on m'a dit qu'il neigeait si fort, commença madame Fresnel, j'ai pensé que vous ne viendriez pas. J'avais déjà fait le sacrifice de ma soirée. Allons donc, fit Paul, en regardant, comme s'il l'eût aperçu pour la première fois, la main qu'il tenait toujours dans les siennes. « Avez-vous vu jamais le mauvais temps m'arrêter ?»« Non, certes. Mais depuis 4 ans, Paul, nous n'avons pas connu d'hiver semblable. C'est le voyage du pôle Nord que vous venez de faire, mon ami. » Le voyageur n'était plus à genoux. D'un mouvement très jeune, profondément savant s'il n'eût été naturel, il avait fait cette chose difficile de quitter gracieusement une posture qu'il ne faut point, sous peine de ridicule, prolonger trop. Assis de côté sur le coussin, les bras appuyés sur le fauteuil de Nadia, il répondit « Que parlez-vous du pôle Nord ?»« C'est tout le contraire. J'éprouve à cette heure le ravissement d'un lapon tombé tout à coup sous les lauriers roses d'une princesse des Indes. Jugez plutôt. J'ai passé l'après-midi dans mon atelier, glacial en dépit d'une orgie de combustible. Je n'ai vu personne, sauf des ennuyés, c'est-à-dire des ennuyeux. Les gens d'esprit ne circulent point quand il fait ce temps-là. Et par un coup de baguette, c'est-à-dire par une grêle de coups de baguette sur le dos d'une pauvre rosse, me voici dans votre bonbonnière où il sent bon, où il fait chaud, où je trouve l'esprit, le cœur, l'élégance, le charme, vous, enfin, vous, Nadia, que j'aime plus à mesure que les jours passent. Cher, vous souvient-il du temps où vous ne vouliez pas croire que je vous aimerais toujours? Le croyez-vous maintenant? Je n'ose pas. Je suis trop superstitieuse. Ne plus douter de son bonheur, c'est ôter le verrou au chagrin. Le temps brise les liens les plus solides. C'est par ceux-là même qui peuvent ne jamais se quitter. Et moi, Paul, je n'ai aucun autre lien que ma tendresse pour vous retenir. Je vous perds de vue pendant de longues heures. Votre vie, pour la plus grande part, m'échappe. On eût dit, au premier abord, que Nadia Fresnel était une femme ordinaire. Si la créature capable de garder pendant 4 ans l'amour passionné d'un homme ne devait être nécessairement la moins ordinaire des femmes. Elle n'avait, à coup sûr, ni la beauté victorieuse qui fait tomber les mortels à genoux, ni celle, plus désirable peut-être, qui les fait glisser dans l'amour comme dans un piège fleuri. On ne pouvait dire qu'elle fût très jeune puisqu'elle approchait de la trentaine et que l'âge de sa figure ne retardait point sur l'horloge du temps. Blonde, avec ses yeux gris dont la nuance ne reste jamais une heure la même, elle avait le teint trop mat pour une blonde, mais une bouche exquise et des lèvres d'un rouge vif tranchaient sur cet ensemble un peu froid, à la façon d'une fleur des tropiques transplantée par caprice sous le ciel du nord. Elle avait pris de sa mère, une Russe, l'or pâle de sa chevelure, ses yeux couleur de nuage, son prénom exotique et tout le côté fantasque, rêveur avec des réveils passionnés, d'une nature mal équilibrée et fertile en contraste. Du baron de Montsuzin, son père, elle avait reçu le sang riche, la santé solide, l'âme généreuse et droite d'une vieille race de notre Midi. Elle n'avait pas 12 ans, sa mère était déjà morte alors, que son père disait d'elle. Cet enfant m'effraie comme une matinée brûlante dans un ciel ouvert. Je souhaite à mon futur gendre de n'avoir pas peur du tonnerre. Ce qu'il aurait fallu souhaiter avant tout à cet inconnu, qui prit plus tard les traits séduisants du jeune Maxime Fresnel, un élégant bordelais, c'eût été d'avoir peur du mépris des honnêtes gens, et même de certains articles rébarbatifs du code. La pauvre Nadia n'eut que trop d'occasion d'utiliser son tonnerre et aussi la pluie amère de ses larmes. Les 4 premières années de son mariage furent une longue et cruelle succession de tous les désenchantements qui peuvent atteindre le cœur et l'orgueil d'une femme. Par bonheur pour elle, un bonheur assez relatif, il faut l'avouer, Bordeaux a l'avantage précieux d'être la tête d'une ligne de paquebots sur l'Amérique du Sud. Certains soirs, au moment où la Patagonia rentrait ses amarres, un passager fort enrhumé, à en croire le luxe de ses cache-nez, prit passage à bord et chercha promptement dans sa cabine un abri contre la fraîcheur, ennemie des poumons délicats. Presque à la même heure, Madame Fresnel, à qui Maxime n'avait pas pris le temps de dire adieu, s'évanouissait de frayeur et de honte en recevant la visite de 2 hommes noirs sortis d'un endroit non moins sombre et manifestant le désir de ne pas y rentrer seul. À fouiller la maison, de la cave au grenier, ils perdirent un temps précieux, ou plutôt, ils le gagnèrent. La famille Fresnel a des relations influentes, et la police, parfois, ne veut pas trouver les gens qu'elle cherche. La Patagonia put descendre la rivière sans encombre. Oncle, depuis, n'entendîmes-nous parler du beau Maxime, sauf dans une circonstance grave dont le récit viendra en son temps. La première chose que fit Nadia, bientôt fixée comme tout le monde sur les causes du départ soudain de son seigneur et maître, fut d'obtenir sa séparation. La seconde fut de s'établir à Paris, sans autre fortune que sa dot assez modeste, car elle n'avait pas voulu souffrir que son avocat, le fameux Lucien Sireuil, demandât 1 sou pour elle. D'ailleurs, l'absence d'enfant simplifiait tout. Même après le vote de la loi du divorce, on n'avait pu obtenir qu'elle en profitât pour reprendre le nom qu'elle avait porté jeune fille. « À qui cela ferait-il plaisir ? » demandait-elle. « Pas au dernier Montsuzin, assurément, une branche éloignée, qui n'éprouve nul besoin d'être remémorée de la mésalliance d'une des leurs, mésalliance bien punie. Quant à moi, comme catholique, le divorce m'est pratiquement inutile. Comme femme bien élevée, il me répugne. J'aime encore mieux ma robe tachée que reteinte. » Au moment où commence cette histoire, il y avait 7 ans que Maxime Fresnel était parti, et tout près de 6 que Nadia, fuyant les souvenirs de Bordeaux, s'était installée dans son petit appartement du boulevard Saint-Germain, qui ne lui coûtait pas 1000 écus par an, tout frais compris. Rarement, femme séparée, sut arranger son existence d'une façon plus digne, servie sans luxe, mais avec une irréprochable correction par 2 femmes dévouées, elle jouissait dans son intérieur d'un confortable ignoré le plus souvent par des femmes 20 fois plus riches. Quant à ses relations extérieures, elle trahissait non point la misère d'une déclassée qui se cache, mais la réserve un peu dédaigneuse d'un goût difficile qui s'abstient du médiocre. En dehors du noyau de parents éloignés disséminés dans quelques vieux hôtels de la rive gauche, qui voyait la jeune femme juste assez pour témoigner qu'il n'avait pas pris parti contre elle, Nadia ne possédait qu'une relation vraiment intime, relation d'amitié et de famille tout à la fois. Mais elle trouvait dans Claire de Chalonne, sa cousine germaine, tout ce qu'on peut attendre de la plus fidèle des amies et de la plus tendre des parentes. Malheureusement pour Nadia, cette tendresse n'avait guère que les lettres pour ses penchés. Très bien et très richement mariée, mère d'une fillette adorable, l'une des châtelaines les plus à la mode de l'opulente presqu'île comprise entre la Dordogne et la Gironde, la comtesse de Chalonne ne pouvait venir à Paris qu'une fois chaque année, au printemps, et seulement pour quelques semaines. En automne, Madame Fresnel lui rendait sa visite à la Pré, et c'était tout. Le reste du temps, on causait par lettres. En arrivant à Paris, Nadia s'était jurée de ne voir personne, serment que se font toutes les femmes dans sa situation, je parle des meilleures. Avec le temps, rendue moins rigide par certaines heures plus longues d'ennui et de tristesse, elle s'était fait à elle-même quelques crédits sur son engagement. À 2 ou 3 femmes, qu'elle croyait tout à la fois amusantes et sans reproche, elle avait entr'ouvert sa porte. Elle avait franchi de son côté celle que 2 ou 3 salons non moins amusants, et toujours, dans son opinion, non moins irréprochables, avait ouverte devant elle. Bientôt, la pauvre isolée avait reconnu qu'il fallait en rabattre. Ici, l'on ne s'amusait pas assez, ce qui ne faisait pas le compte de son ennui. Là, on s'amusait trop, ce qui ne faisait pas le compte de sa sagesse. De ses excursions plus ou moins dangereuses en terrain étranger, Nadia n'avait guère retenu, en somme, qu'un salon où on la voyait assez rarement, et une amie de bonne composition chez qui elle ne mettait jamais les pieds, mais qu'on voyait fréquemment chez elle. Le salon était celui de la générale Sauteron, précisément l'un de ceux qui semblaient le moins faits pour Madame Fresnel. L'amie était une bourgeoise, à figure de grisette engraissée, qu'elle était d'ailleurs, la femme de l'architecte Lavissière, un personnage assez riche et non point sans talent. Lavissière était le gérant de la maison habitée par Nadia. Derrière monsieur, Madame s'était faufilée, cherchant une recrue pour son salon à elle, véritable tonneau des Danaïdes qui se vidait par un bout à mesure qu'on l'emplissait par l'autre, si bien qu'on n'y voyait jamais 2 semaines de suite les mêmes figures. En fait d'homme, en dehors de Paul de Chérency, un seul avait régulièrement ses entrées chez elle, mais le temps lui manquait pour en user souvent. Je parle de Lucien Sireuil, le vieux maître du barreau, jadis son conseiller, maintenant son ami, et dont elle appréciait l'esprit comme Paris entier l'apprécie. Pauvre Nadia, direz-vous. Socrate lui-même, avec si peu d'intime, se fut trouvé fort à plaindre. D'accord. Mais Nadia n'était point un philosophe. C'était une femme amoureuse et tendrement aimée. Jamais, depuis qu'elle connaissait Paul de Chérency, la maison de son cœur ne lui avait paru trop grande.